إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui, on va commencer le cours numéro 30, et c'est toujours le livre Al-Adillatu Shar'iyya, les Kashf al-Talbisat al-Hizbiyya. C'est écrit par le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi, et on est dans maintenant la deuxième partie de la critique détaillée à propos des paroles de Abdul Majid al-Zindani. Et dans cette partie-là, il explique les choubouhats qui ont été donnés par Abdul Majid al-Zindani dans une cassette qui s'intitule الانتخابات وإرادة الأمة. الانتخابات وإرادة الأمة. C'est-à-dire les élections et la volonté de la أمة. La volonté de la أمة. Donc le شيخ dit الملاحظات على الشريط الثاني. الانتخابات وإرادة الأمة وإرادة الأمة وتنحصر في 12 ملاحظة. Donc il dit ça c'est les observations ou les points qui ont été, les petits points qui ont été mentionnés au sujet de cette cassette-là. Et elles sont divisées en 12 petits points. C'est moins long que les points précédents qu'on a vus dans les cours précédents, parce que ce sont des petits choubouhats qui ont déjà été réfutés en grande partie dans les cours précédents. Donc le cheikh parfois il fait juste renvoyer les gens aux exemples qu'il a mentionnés auparavant dans les autres chapitres précédents. Donc c'est moins long les réponses, mais quand même il y a des points nouveaux qui ont été abordés, qui n'avaient pas été abordés dans les exemples précédents. Donc on peut quand même tirer des choses bénéfiques là-dedans aussi. Le cheikh dit al-mulahaza al-oula. قال جعل الله الطريق إلى إقامة الحاكم على لسان نبيه فسي لفهول عبد المجيد الزنداني. الملاحظة الأولى قال جعل الله الطريق إلى إقامة الحاكم على لسان نبيه بالبيعة، والبيعة كما يقول عنها الفقهاء والعلماء هي عقد بين الحاكم والمحكوم. كيف تكون البيعة؟ قال عمر بن الخطاب فيما رواه عنه البخاري محذرا ألا لا يبايعن رجلا من غير مشورة المسلمين. البيعة ليست حقك أنت بل حق هذا وحق هذا، فالأمير الذي سيتولى مش عليك أنت وحدك وعلى الكل، فيجب أن نشترك جميعا في اختياره. Donc le chef il mentionne les paroles de Zindani à ce sujet-là. Il dit comme premier point à propos de ces paroles, Allah a fait que la voie pour établir le dirigeant selon la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit par la bay'a, c'est-à-dire la façon de choisir le dirigeant, puis d'établir un dirigeant selon les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par al-bay'a. Et al-bay'a c'est le serment d'allégeance, le serment d'allégeance. C'est comme un genre de contrat entre les dirigeants et les personnes qui sont les dirigés, ceux qui sont sous l'autorité de ce dirigeant-là, comme ça a été expliqué par les ulama de fiqh et par les ulama en général les savants de l'islam. Donc comment est-ce qu'on effectue cette bay'a? Comment se produit, comment se passe cette, ce serment d'allégeance? Le cheikh il dit que Omar ibn Khattab, il l'a expliqué dans les paroles qui ont été rapportées à son sujet de l'imam al-Bukhari. Hein, l'imam al-Bukhari a mentionné les avertissements de Omar ibn Khattab à ce sujet-là. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a dit que quelqu'un ne donne pas la bay'a à un autre homme sans consulter les musulmans. Donc, il dit que la bay'a, c'est pas ton droit à toi, c'est pas ton droit à toi, mais yani, c'est le droit de tout le monde. Okay? Et là, donc, c'est pas ton droit à toi ou à toi, c'est le droit de tout le monde. Parce qu'il dit que l'amir, il va pas être, ou le dirigeant, il va pas être ton dirigeant, surtout le dirigeant sur toi seulement, son autorité sera sur tout le monde. Et donc, tout le monde doit participer dans le choix du dirigeant. Donc, c'est ce qu'il essaie de faire comprendre aux gens, que tout le monde a son mot à dire dans le choix du dirigeant. Le cheikh dit « Qultu arraddu ala qawlika hadha min wajhin » الوجه الأول أن قولك هذا يوافق تماما من يقيس الانتخابات البدعية على البيعة الشرعية وقد تقدم الرد على ذلك. Donc le premier, la réfutation de cette parole, c'est de deux points de vue. Le premier point de vue, il a dit que cette parole que tu dis là est en accord avec ceux qui font des analogies entre les élections qui sont des c'est-à-dire les élections, qui est une chose innovée, qui ne fait pas partie de la charia, et yani, le serment d'allégeance ou la bay'a, qui est en accord avec les règles de la charia. Donc, on a déjà expliqué dans les points précédents qu'on ne peut pas faire une analogie entre ces deux choses-là. Parce que la bay'a et les élections sont totalement différentes, et les conditions de la bay'a sont totalement différentes de ce qui est mentionné dans les élections. Donc, on ne peut pas faire de comparaison entre les deux. Et le deuxième point de vue, الوجه الثاني, أما استدلالك بقول عمر رضي الله عنه فالمقصود به استشارة أهل الحل والعقد ممن تقدمت صفاتهم لا استشارة جميع المسلمين بما فيهم الجاهل والحزبي والمذهبي والمتعصب وهذا لا يقوله عاقل فضلا عن صحابي جليل شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كذلك أن تكون البيعة علنية ومعلومة لا سرية كبيعة الجماعات الحزبية التي تكون في السراديب والأماكن المظلمة. الشيخ يقول كم deuxième point, c'est que la façon, l'exemple que tu as utilisé comme preuve en mentionnant la parole de Omar رضي الله عنه, il faut savoir que cet exemple-là, il ne s'applique pas au cas que tu mentionnes, parce que lorsque Omar ibn al-Khattab, il dit par exemple qu'il faut demander la consultation des musulmans, il parle bien entendu du conseil ou de la consultation de ce qu'on appelle Ahlul Hill wal Aqd. Et dans les coups passés, on a expliqué les conditions de ceux qui sont mentionnés ou de ceux qui sont éligible ou apte à faire partie de ceux qu'on appelle Ahl al-Hilli wal Aqd. Et ce ne sont pas tous les musulmans en général, parce qu'on sait que parmi les musulmans, il y a les ignorants, il y en a qui sont des chesbiyins, il y en a qui sont des gens qui suivent aveuglément un madhhab, al-madhhabi al-muta'assib, et sans oublier les autres qui font partie des groupes de communistes, socialistes, athées ou autres. Et donc, on ne peut pas calculer ces gens-là comme faisant partie de Ahlul Hilli wal Aqd, puisqu'ils sont parmi soit des gens qui sont considérés parmi des gens de Bid'a, ou bien des kuffars même dans certains partis politiques qui sont basés sur la mécréance, ainsi de suite. Le cheikh dit وَهَذَا لَا يَقُولُهُ عَاقِلُ. Quelqu'un qui pense que c'est tout le monde qui doit donner son opinion pour choisir le dirigeant, il n'y a personne qui dit ça parmi les gens qui sont qui possèdent une raison, qui sont raisonnables, et sans compter un noble sahabi comme Omar ibn Khattab, puisque on sait très bien que Omar ibn Khattab ne dirait jamais une chose pareille, Et sans compter qu'il fait partie de ceux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet qu'ils seraient au paradis. Et il y a un témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Il dit de même que la bay'a, elle doit être faite, lorsqu'elle est faite, selon la charia, elle doit être faite ouverte, c'est-à-dire ouvertement, en plein, devant tout le monde, puis à haute voix, puis publiquement. Et c'est pas quelque chose qui se fait de manière secrète, comme la bay'a qui se produit dans les groupes de hizbiyyin, comme par exemple certaines jama'at, comme les Ikhwan et d'autres, ils ont leur jama'a, elle est basée sur une bay'a. Elle est basée sur une bay'a, mais cette bay'a, elle n'est pas publique. Puis, bien entendu, elle est secrète. Et il y a d'autres jama'at qui ont des bay'a qui sont aussi serriya. Et il y en a qui disent, non, ça c'est comme la bay'a pour un voyage. Quand quelqu'un, par exemple, il part en voyage, il choisit un amir, on fait la bay'a et ça y est, c'est pas quelque chose qui est contraire à l'islam, parce que c'est juste une bay'a pour le voyage. Et on a déjà réfuté ça dans les cours passés, on a expliqué que ça ne s'applique pas, puisque la bay'a dans le voyage, c'est une bay'a qui dure uniquement durant la période du voyage. Après le voyage, ça y est, c'est fini. Et non seulement ça, mais ça se limite uniquement aux questions qui ont rapport avec les choix et les décisions par rapport au voyage. Ce n'est pas une bay'a qui va être comparable à la bay'a qu'on donne à un dirigeant d'un État ou d'un pays musulman. D'accord? Donc, ça ne s'applique pas. Il y en a qui disent non, ça c'est une bay'a juste dans la da'wa et tout ça. Et c'est la même chose. Il n'y a pas de dalil dans le Coran et dans la Sunna pour dire que tu peux donner une bay'a de ce genre à quelqu'un qui s'est présenté comme étant chef d'une jama'a islamique. À moins que ce soit le dirigeant lui-même qui l'ait désigné comme étant responsable d'un groupe ou de quelque chose qui a comme tâche de faire la da'wa dans la société. Et ils répondent aux dirigeants officiels du pays. Dans ce cas-là, ok. Dans ce cas-là, ils sont considérés comme un organisme qui fait partie des organismes qui composent le gouvernement et c'est ce sera une organisation officielle qui font partie de l'organisation gouvernementale et qui répondent à l'autorité du dirigeant. Tandis que les jama'at qui sont établis maintenant aujourd'hui dans les pays musulmans, elles sont indépendantes du gouvernement et non seulement ça, elles compétitionnent avec les dirigeants dans le sens qu'elles essaient de s'accaparer du pouvoir puis de faire la compétition aux dirigeants pour essayer de le renverser ou de faire diminuer sa popularité dans le sens qu'ils veulent montrer ses péchés et ses défauts pour faire que les gens votent pour eux au lieu de voter pour le dirigeant qui est en place. Donc ça, c'est pas des méthodes islamiques, c'est des méthodes qui viennent des koufars, ainsi de suite. Et la bay'a, comme on a expliqué, c'est uniquement pour le dirigeant officiel, non pas pour les jama'at, les amirs d'un groupe qui s'est détaillé ou présenté eux-mêmes comme étant des do'at ou ainsi de suite. Et la même chose peut être dite au sujet de la bay'a qui se donne dans les turuq soufiyya, lorsqu'ils font les initiations d'un mourid pour qu'il rentre dans la tariqa, il doit donner une bay'a à un cheikh, ainsi de suite. Et ça aussi, ça c'est la même chose, c'est pas quelque chose qui est dans la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas enseigné de faire ce genre de choses. Et il y a même, c'est même arrivé au point où, dans certaines turuq soufiyya, la personne qui est successeur du fondateur de la tariqa, il l'appelle le khalifa de la tariqa. Et il lui donne une bay'a de la même façon qu'on donne une bay'a à un dirigeant politique, celui qui est chef d'État. Et dans certains pays, c'est pire que ça encore, le chef de l'État, il vient lui-même pour embrasser les pieds de ce cheikh soufi, et des choses de ce genre. Et il s'assoit par terre devant le cheikh soufi, alors que c'est lui le chef du pays. Donc on voit comment la bid'a a égaré ces gens-là. Après, le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam al-Shawkani, qui dit « وَقَالَ الْإِمَامَ الشَّوْكَانِ إِنَّ مِنَ الْمُعْتَبَرِ هُوَ وُقُوعُ الْبَيْعَةِ لَهُ الْإِمَامِ يعني مِنْ أَهْلِ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ فَإِنَّهَا هِيَ الْأَمْرُ الَّذِي يَجِبُ بَعْدَهُ الطَّاعَةِ ويثبت به الولاية وتحرم معه المخالفة وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين فإن الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم. فسي أعتقد أن سيل الجرار لفولوم 4 على page 515 jusqu'à la page 513, on trouve ces paroles de l'imam Shawkani. Il dit que qu'est-ce qu'on doit considérer dans la question de la bay'a et savoir quand est-ce qu'elle est affective et quand est-ce qu'elle est valable, c'est lorsque la bay'a a été donnée à un dirigeant par ce qu'on appelle Ahlul Hilli wal Aqd. Et c'est à ce moment-là que c'est obligatoire pour tout le monde d'obéir à ce dirigeant-là après que la bay'a a été faite. Et à partir de ce moment-là, on affirme que, et on a déterminé que c'est à lui qu'appartient le pouvoir, hein, et la wilaya, la wilaya du pays. Et tahrum ma'ahu al-mukhalafa. À partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de le contredire dans ses décisions et dans ses choix, sauf si c'est bien entendu des choses qu'il nous ordonne de faire qui sont haram, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de l'obéir dans le haram, mais dans le reste, on est obligé de l'obéir. Et c'est pas une condition pour que la bay'a soit valable, c'est pas une condition que tout le monde qui est apte à donner la bay'a le donne. C'est-à-dire, c'est pas obligatoire que tout le monde qui fait partie de Ahlul Hilli wal Aqd donne la bay'a. S'il y en a une partie qui l'ont donné, ça compte pour le reste. Et il y a des gens comme ça, je me rappelle, où j'ai rencontré des frères de certains pays, et ils me disaient par exemple, ah mais dans mon pays, il y a un dirigeant, puis à chaque fois, il donne la bay'a aux dirigeants, et ainsi de suite. Il dit, mais moi, j'ai jamais donné la bay'a. Et moi, je lui ai expliqué, j'ai dit, c'est pas une condition que toi, tu donnes la bay'a pour que il soit ton wali amr, ou bien qu'il soit ton dirigeant ou ton chef. L'important, c'est que les responsables de chaque région, hein, eux qui sont en fait les gens qui ont l'autorité là où tu vis, hein, dans ta ville ou dans ta région, eux, ils donnent aux dirigeants la bay'a et ça compte pour tout le monde. Ça compte pour tout le reste des musulmans parce que eux sont Ahlul Hilli wal Aqd. C'est pas nécessaire que chaque individu musulman ait donné la bay'a à un dirigeant pour que ça compte. D'accord? Et donc, il dit le fait d'exiger que toute personne apte à faire la bay'a la fasse pour qu'on obéisse à cet homme-là, ça c'est quelque chose qui ne fait pas partie des conditions. Et ce sont des conditions qui sont rejetées par le consensus des musulmans, les premiers musulmans comme les derniers, sont tous, c'est-à-dire d'accord pour dire que c'est pas une condition que tout le monde ait fait la bay'a, même parmi les gens de Al-Hilli wal Aqd, c'est pas une condition. Après, il dit, Al-Mulahadatu Saniya, qala innana fi l'islam, nada'u shurutan liman nakhtar, wa shurutan liman nubaya. في غير بلاد المسلمين وفي غير أهل الإسلام لا يشترطون إلا أن يرضى الناس عنه ونحن نزيد على ذلك بأن يرضى الناس عنه وأن يتحقق فيه صفات ومؤهلات تؤهله لهذا. قلت من أين لك هذا التفريق. Donc ici il mentionne les paroles de Az-Zindani encore une fois dans ce deuxième point-là. Il dit que nous dans l'islam, on met des conditions pour la personne qu'on choisit comme dirigeant. Hein, et on met des conditions pour les personnes à qui on donne la bay'a. Dans les pays autres que les pays musulmans, pour les gens qui sont autres que les musulmans, eux, ils n'ont pas ces conditions-là comme nous. Hein? Ils considèrent uniquement comme condition que les gens soient satisfaits. Que les gens soient satisfaits de la personne pour qui ils vont voter. Ils disent, tandis que nous, on rajoute quelque chose de plus à ça, et non seulement les gens doivent être satisfaits de cet homme-là, mais il faut que cette personne-là ait respecté certaines conditions et certaines aptitudes qui lui permettent de le faire. Donc, donc c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand je lis cette parole-là, et j'ai l'impression que j'entends Tariq Ramadan, quand il explique les affaires de démocratie, il dit les mêmes choses. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça. Il dit, bon, quand il a une cassette où il parlait de la démocratie, il commence à expliquer que, bon, il y a plusieurs modèles de démocratie. Puis, étant donné qu'il y a différents modèles de démocratie, ça veut dire qu'il y a différentes façons de le comprendre et de l'appliquer. Puis nous, on a juste à essayer de trouver lequel de ces modèles-là est en accord plus avec l'islam. Puis dans ce cas-là, ça va être islamique. Puis il dit, nous, en plus de ça, on a quelque chose de plus dans notre façon de voter, c'est qu'on rajoute notre éthique morale islamique dans le choix de notre dirigeant. Puis il dit, c'est pas important qu'il soit musulman, hein. L'important, c'est ses compétences. Donc, qu'il soit musulman ou non musulman, l'important c'est qu'il ait les compétences nécessaires, hein. Et puis qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, si t'es un musulman, mais t'es pas compétent, je vote pas pour toi. Mais si t'es un non musulman, puis t'es compétent, je vote pour toi. Hein. Et puis après, alors que déjà dans l'islam, un kafir, il a pas le droit d'être au-dessus des musulmans, et d'être le dirigeant des musulmans. Donc il y a ça, puis après il dit par exemple aussi que tu vas faire un vote basé sur ta morale. Mais je me demande où est-ce qu'elles vont leur morale lorsqu'ils votent pour des gens qui permettent l'homosexualité et qui permettent toutes sortes d'autres choses haram dans l'islam. Hein. Et eux ils se basent juste sur des questions politiques comme par exemple qu'est-ce qu'un dirigeant en particulier va dire de la Palestine. Et le pire, c'est qu'ils disent tous avant les élections qu'ils sont pour ci ou pour ça, ou contre ci ou contre ça, mais lorsqu'ils sont au pouvoir par la suite, bien entendu, la réalité, c'est qu'ils sont bien souvent, je parle des dirigeants dans les pays non musulmans, sont toujours en faveur des Israéliens, du gouvernement israélien en grande partie. Parce qu'ils ne peuvent pas être contre, ce sont leurs alliés. Hein. Donc ils ne peuvent pas devenir ennemis du jour au lendemain avec leurs alliés. Hein. Ils sont leurs maîtres même parfois, comme tu dis. Et donc ça c'est de un. Puis non seulement ça, mais c'est que bon pour les questions des pays musulmans, les questions d'alliance politique, ainsi de suite, ça c'est une autre question. Mais c'est juste pour comprendre le point que Zendani essaie de faire, c'est que il faut qu'il y ait des conditions dans la personne qu'on va choisir. Là, on va lire la réponse du cheikh à ce sujet-là. Il dit « Qultu, min aina laka bihada al-tasriq, wa waqi' al-hal shahidun bi butlani, fahal fi al-nizam al-intikhabi, tura'a fihi al-shurut, al-wajib tawafuruha fi al-khalifa wal-hakim al-mubaya' lahu, wa qabla al-ijabati ala hada al-tasawul, yahsunu bina أن نذكر الشروط الواجب توفرها في الخليفة المبايع له. Il dit que où est-ce que tu as trouvé cette distinction? C'est ça. Donc on va lire les conditions, d'accord, pour par rapport aux dirigeants, et on va essayer de passer vite là-dessus parce que c'est des conditions qui sont bien connu dans l'islam, donc on n'a pas beaucoup de temps à passer là-dessus. Le cheikh dit « Waqala Siddiq Hassan Khan ». En passant, Siddiq Hassan Khan, il était lui-même un dirigeant, un savant de l'islam et un dirigeant en même temps. Parce que sa femme, la femme qu'il a épousée, elle était mariée avec le dirigeant à son époque. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand son mari est décédé, elle s'est mariée avec lui, avec ce cheikh. Et donc, il est devenu dirigeant. Et dans sa région, en Inde, il avait fait ouvrir plein d'écoles pour enseigner l'islam et sharia, le hadith et tout. Et c'était un des ulama qui suivait la voie de l'ahlul hadith. Hein? Donc, mashallah, il a écrit plusieurs bons livres. Donc, le cheikh dit, « قال صديق حسن خان وشرط من يأخذ البيعة أمور أحدها علم الكتاب والسنة ولا أريد المرتبة القسوة وإنما شرطنا العلم لأن الغرض من البيعة أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وإرشاده إلى تحصيل السكينة الباطنة وإزالة الرذائل واكتساب الحمائد ثم امتثال المسترشد به في كل ذلك الشرط الثاني العدالة والتقوى فيجب أن يكون مجتنبا من الكبائر غير مصر على الصغائر الشرط الثالث أن يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة مواظبا على الطاعات المؤكدة والأذكار المأثورة المذكورة في صحاح الأحاديث مواظبا على تعلق القلب بالله سبحانه الرابع الشرط الرابع أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مستبدا برأيه لا إمعة ليس له رأي ولا أمر ذا مروءة وعقل تام ليعتمد عليه في كل ما يأمر به وينهى عنه الشرط الخامس أن يكون صاحب المشايخ وتأدب بهم دهرا طويلا مختصرا donc le cheikh il mentionne ici les paroles de Siddiq Hassan Khan il dit que les conditions de la personne de qui on prend la bay'a c'est premièrement qu'il ait une connaissance de Al-Kitab wa Sunna il dit je veux pas dire l'extrême de ou bien le plus haut degré de la science du Coran et de la Sunna mais on a uniquement mis comme condition qu'il doit avoir une science parce que le but de la bay'a c'est pour qu'il puisse ordonner le bien et interdire le mal donc ce dirigeant là il faut quand même qu'il ait une certaine connaissance et aussi il doit être capable d'orienter yani les gens vers qu'est-ce qui amène la sérénité à l'intérieur de lui-même et s'orienter lui-même et les autres également vers qu'est-ce qui amène le bien et la paix à l'intérieur et aussi d'enlever qu'est-ce qui est mauvais en lui-même et chez les autres aussi s'il est capable donc il doit connaître ces choses-là et il doit être capable aussi d'acquérir les qualités yani, qui sont louables qui sont des bonnes qualités et de les mettre en application et aussi donc c'est-à-dire que bien entendu c'est une condition s'il n'a pas le plus haut niveau de connaissance comme on va le voir tout à l'heure et bien dans ce cas-là c'est pas grave parce que l'important c'est que il prenne le conseil des ulama dans les cas où il n'a pas la connaissance des détails du Coran et de la Sunna il se réfère à des savants de l'islam qui vont lui indiquer les meilleures réponses du Coran et de la Sunna au sujet des questions qui font partie de la religion comme deuxième condition il faut qu'il soit juste qu'il ait une taqwa qu'il ait de la piété et qu'il faut qu'il s'écarte des grands péchés et qu'il ne persiste pas à faire des petits péchés. Comme troisième condition, il faut qu'il soit quelqu'un qui ne prenne pas la dunya, qui ne donne pas dans son cœur une trop grande importance à la dunya, qu'il aime qu'est-ce qui l'amène vers l'au-delà. Hein, et qu'il continue régulièrement à faire des bonnes œuvres. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'il fait les bonnes œuvres qui sont confirmées par la charia, qu'il fasse les adhkar qui sont mentionnés dans la sunna, et qu'il continue à, il doit suivre les adhkar et les du'as et les adhkar, les dhikr. Sont dans les hadiths authentiques. Donc, il faut qu'il fasse les adhkars qui sont rapportés dans les hadiths authentiques et qu'il s'accroche le cœur au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et à Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Donc, ça veut dire que, bien entendu, il faut que ce soit quelqu'un de pieux, c'est quelque chose qui est bon. Et il dit quatrièmement, il faut qu'il ordonne le bien et qu'il interdise le mal. Il faut qu'il ait son propre opinion dans les questions, dans le sens qu'il faut qu'il ce soit quelqu'un qui ait un certain niveau d'intelligence et de caractère, de personnalité, qu'il ne va pas être quelqu'un qui écoute tout le monde, n'importe qui yani imma, yani comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui se laisse influencer facilement par n'importe qui suit les opinions des autres, qui n'a pas d'opinion à lui, et il faut qu'il ait al-muru'a, c'est-à-dire, il ne va pas faire des choses qui vont le dégrader devant les gens, même si ce ne sont pas des choses haram en elles-mêmes, mais il ne va pas faire des choses qui ne sont pas considérées comme étant des choses faisables en public, selon la coutume. Dans l'endroit où il vit, tu vois, comme par exemple, si certaines choses sont mal vues dans une société ou dans une coutume, il ne va pas les faire publiquement, hein, ouais, comme par, c'est ça, oui, comme par exemple, si par exemple dans une société, supposons, marcher sans quelque chose sur ta tête, c'est mal vu. Donc, il ne va pas venir devant les gens tête découverte, par exemple. Ça, c'est des exemples de mouroua. Ou bien, il ne va pas, par exemple, marcher dans la rue, puis il va manger quelque chose en marchant, si c'est mal vu de faire ça. Ça fait baisser l'estime que les gens ont de lui, le respect qu'ils ont envers lui, baisse à cause de ça, donc il ne va pas le faire. Ça, c'est des exemples de ce qu'on appelle mouroua. Il y a des choses qui détruisent ça, cette mouroua qu'on appelle, que les ulama désignent par le terme khawarim al-mouroua, choses qui viennent détruire ou briser la mouroua. Et al-mouroua, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout ce qui fait de toi une personne respectable et honorée et respectée et bien vue, bien en vue. Et, donc c'est comme un peu, tu peux dire, une certaine noblesse dans le caractère puis dans les manières. Donc tu agis comme quelqu'un de noble et de respectable. الشرط الخامس أن يكون صاحب. Il faut que la personne à qui on va donner la bay'a ait préférablement côtoyé les savants et les shuyukh, qu'il ait pris un peu de leur comportement et de leur manière et de leur bonne manière. Donc ça c'est des choses qui sont mentionnés dans les conditions de Hassan Khan dans son livre Éclair le Karama, qui est bien une maqasid al-imama. Et il y a un autre point, le cheikh il mentionne les paroles d'un autre cheikh qui a écrit un livre à ce sujet-là, c'est Saïd Abdel Azim, il dit dans Shurut al-Khalifa, dans les conditions du Khalifa, أن يكون قرشيا والنصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط بإقامتهم الدين وطاعتهم لله ورسوله فإن خالفوا أمر الله فغيرهم ممن يطيع الله سبحانه وتعالى وينفذ أوامره أولى منهم. الشيخ دي comme condition, la première condition qui est mentionnée pour le Khalifa, c'est qu'il soit de Quraysh, de la tribu de Quraysh. Donc si il y a une personne qui est Qurashi, c'est lui qui doit être donné, c'est celui qui doit avoir la précédence dans le choix de la personne à qui on donne l'allégeance pour la bay'a pour le Khalifa. Il dit, il y a des textes par contre qui mentionnent que l'obligation, c'est ça, les textes mentionnent l'obligation de donner précédence dans notre choix à quelqu'un qui est Qurashi dans la question de l'imam, et que c'est une condition pour c'est une condition par contre, il doit établir la religion et l'obéissance d'Allah et de son messager en premier. Si c'est une personne qui contredit l'ordre d'Allah et de son messager, et qui n'est pas une personne qui suit la bonne voie, dans ce cas-là, on donne la précédence à quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas Qurashi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'après ce qui est écrit dans ces paroles-là, c'est que si on a le choix entre deux personnes, et les deux personnes sont bonnes, mais un des deux est Qurashi, on doit donner la précédence à celui qui est Qurashi sur celui qui n'est pas Qurashi, hein, qui n'est descendant de Quraysh. Toutefois, si celui qui est Qurashi n'est pas un bon musulman, ou n'est pas sur la bonne voie, et celui qui est pas Qurashi, il est sur la bonne voie, et que c'est un homme qui est sur le Coran et la Sunna, et qu'il suit la bonne voie, dans ce cas-là, celui qui pratique bien l'islam, ou qui est un bon musulman, qui est sur la Sunna, il a la précédence sur celui qui est Qurashi, puis qui est un mauvais musulman, ou bien qui est un muqtadir, ou des choses comme ça. Wallahu a'lam. Et le cheikh dit par la suite, quand nous avons Dakaran, deuxièmement, il faut que ce soit un homme, il ne peut pas être une femme. Contrairement à, dans la démocratie, une femme peut être une dirigeante. Et ça, c'est interdit dans l'islam. Troisièmement, quand nous avons Hurran, il doit être libre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être un esclave, sauf que le cheikh il dit, قال الشوكاني رحمه الله أما الإمارة والسلطنة فلا مانع من ذلك ولا ورد في الشرع ما يدفعه بل ورد ما يقويه ويؤيده كما في الأحاديث الصحيحة المصرحة بطاعة السلطان وإن كان عبدا حبشيا وقد أمر صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة وكذلك ولده أسامة بن زيد على أكابر المهاجرين والأنصار كما هو معروف في كتب الحديث والسير أما الإمامة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم منصبها وصرح بها كذا في الأصل ولعل الصواب بمن وصرح بمن يصلح لها. Donc, comme point ici, il dit qu'il ne faut pas qu'il soit esclave, donc il faut qu'il soit libre, il ne faut pas qu'il soit esclave, et il mentionne les paroles de l'imam al-Shawkani à ce sujet-là, il dit, ça c'est par rapport au khalifa toutefois, si c'est une question de, par exemple, quelqu'un qu'on met en charge, ou à la tête d'une armée, ou comme amir dans une région de l'Empire islamique, ou dans un endroit, ou comme maire d'une région, ou des choses comme ça, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a établi comme chef d'une armée, Zayd ibn Harith, alors que c'était son esclave. Et la même chose pour Usama ibn Zayd, qui est le fils de Zayd. Et il a été à la tête de l'armée, alors que sous son commandement, il y avait les plus grands parmi les muhajirin et les ansar. Donc ça c'est un exemple. De même qu'il y a un hadith authentique qui est rapporté au sujet que lorsqu'on a un dirigeant, on doit l'écouter et l'obéir, même si c'est un esclave éthiopien. Et donc ça c'est la preuve aussi que dans des cas comme ça, oui, si c'est un dirigeant qui est au-dessus de nous et que c'est un esclave, dans ce cas-là on est obligé de l'écouter et de l'obéir. Et ça c'est mentionné clairement dans les livres de hadith et les livres de qui parlent des histoires qui ont rapport avec les djihad et tout ça, et les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Mais en ce qui concerne la position de dirigeant suprême ou l'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il a clarifié qui est la personne la plus apte à être à ce poste là. Et il dit ayakuna baliran, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait atteint l'âge de la puberté au moins. Ayakuna aqilan, il faut qu'il soit une personne qui a toute sa tête, qui est intelligent, raisonnable, c'est-à-dire il faut pas qu'il soit fou ou qu'il ait pas sa raison. Sixièmement, ayakuna adlan, fala yajuzu imamat fasiqin hala al-ibtida wa yadkhulu fi ishtirat al-adalati ishtirat al-islam. Il dit que, en partant, il ne faut pas choisir quelqu'un qui est injuste. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit juste. On ne peut pas, au départ, choisir quelqu'un qui est connu pour son impiété ou quelqu'un qui est pécheur. Le cheikh il dit, قال الشوكاني فليس لأهل الحل والعقد أن يبايعوا من لم يكن عدلا إذ قد اشتهر بذلك إلا أن يتوب. إذ قد اشتهر بذلك إلا أن يتوب ويتعذر عليهم العدول إلى غيره فعليهم أن يأخذوا عليه بأعمال العادلين والسلوك في مسالك المتقين ثم إذا لم يثبت على ذلك كان عليهم أمره بما هو معروف ونهي ونهيه بما عما هو منكر ولا يجوز لهم أن يطيعوه في معصية الله ولا يجوز لهم أيضا الخروج عليه ومحاكمته إلى السيف فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح من شمس النهار ومن له اطلاع على ما جاءت به السنة المطهرة انشرح صدره لهذا لشيخ الزين المعزن لبعض الإمام الشوكاني il dit donc qu'il faut que la personne soit juste. Et dans les paroles de Shawkani, on lit ce qui suit. Il dit que les gens d'Ahlul Hil wal Aqd ne doivent pas donner la bay'a à quelqu'un qui n'est pas juste au départ, sauf. Attends. عدلاً إلا عدلاً إذا لم إذا قد اشتهر بذلك إلا أن يتوب. Il ne doit pas donner la bay'a à quelqu'un qui n'est pas juste. Hein? Si cette chose-là, elle est devenue connue à son sujet, c'est-à-dire si quelqu'un s'est connu que lui, c'est une personne qui n'est pas juste, hein? Ils ne doivent pas le choisir lui pour lui donner la bay'a ou l'allégeance, excepté si on a appris qu'il s'est repenti. Et ensuite il dit « وَيَتَعَذَّرْ عَلَيْهِمُ الْعُدُولِ إِلَى غَيْرِهِ » et qu'ils ne peuvent pas trouver quelque chose, quelqu'un d'autre que lui. Dans ce cas-là, ils peuvent lui donner la bay'a dans ce cas-là. Hein. Mais s'ils peuvent trouver quelqu'un de mieux que lui, dans ce cas-là, ils vont prendre celui qui a les meilleures actions de justice et qui a le comportement des gens qui suivent la voie des pieux. Et si au début il est sur la voie des pieux et que par la suite il ne reste pas ferme sur cette voie-là puis qu'il change, alors ils doivent lui ordonner le bien et lui interdire le mal, mais il n'est pas permis pour eux de l'obéir dans le péché, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'est pas permis pour eux non plus de se rebeller contre lui et de le juger avec l'épée. Hein, il n'a pas le droit de sortir contre lui avec l'épée. Parce que les hadiths à ce sujet-là sont nombreux et il y a des preuves très claires qui sont aussi plus claires que le soleil en plein jour qui nous montrent qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de choses-là. Et donc celui qui a lu les hadiths à ce sujet-là dans la sunna, eh bien son cœur est ouvert et il accepte ça avec aisance. En fait, c'est les paroles de Cheikh l'imam al-Shawkani dans le livre Sayl al-Jarrar, le volume 4, à la page 508 et 509. Après, le Cheikh dit أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث. Il dit, comme septième exemple, comme septième condition, qu'il soit parmi ceux qui sont aptes à faire, à tenir le rôle de juge, parmi les juges musulmans, et qu'ils soient capables de faire l'ijtihad dans les événements qui se produisent, comme ça il est capable de faire des fatwas, il n'a pas besoin de demander la fatwa à quelqu'un d'autre. Ça c'est qu'est-ce qui est le préférable. Mais bien entendu, s'il n'arrive pas à atteindre ce degré-là, c'est pas grave, c'est pas une condition absolue. Hein. Tant qu'il a un peu de science, comme on a mentionné tout à l'heure, c'est correct. Hein. Mais sinon, qu'il peut demander à des ulamas de lui donner des fatawas sur les différentes questions qu'il a besoin de savoir. Mais toutefois, s'il peut être lui-même mujtahid, le dirigeant, et avoir la science nécessaire pour le faire, alors ça c'est quelque chose de préférable. Hein. Et donc c'est pour ça ici il explique ce sujet-là. Il dit que قال الإمام الشوكاني المقصود من نصب الأئمة هو تنفيذ أحكام الله. Là on va voir maintenant les responsabilités du dirigeant. المقصود من نصب الأئمة هو تنفيذ أحكام الله عز وجل وجهاد أعداء الإسلام وحفظ البيضة الإسلامية ودفع من أرادوا بمكر والأخذ على يد الظالم وإنصاف المظلوم وتأمين السبل وأخذ الحقوق الواجبة على ما اقتضاه الشرع ووضعها في مواضعها الشرعية فمن بايعه المسلمون وقام بهذه الأمور فقد تحمل أعباء الإمامة فإن انضم له إلى هذه الإمامة كونه إماما في العلم مجتهدا مطلقا في مسائله فلا شك ولا ريب أنه أنهض من الإمام الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد لأنه يورد الأمور ويصدرها عن علو ولكن لا دليل على أنه لا يولى هذا الأمر إلا من كان بهذه المنزلة من الكمال وفي هذه الغاية القصوى من محاسن الخصال وليس النزاع في الأكمل والأفضل بل المراد في من يصلح لتولي هذا المنصب ومن قام بتلك الأمور ونهض بها فهو المراد من الإمامة ok donc ça c'est dans le volume 4 de Sayyid al-Jarrar à la page 507 l'imam al-Shawkani il explique les responsabilités du dirigeant et puis il dit donc que parmi les le but de vouloir établir un imam ou un dirigeant pour les musulmans, c'est qu'il applique les règles d'Allah. Regardez, déjà là-dedans, on voit tout de suite la différence entre le système démocratique et la raison pour laquelle on établit un dirigeant dans le système démocratique et dans l'islam. D'accord? On va voir l'exemple. Le cheikh, il dit premièrement, sa responsabilité, c'est d'établir les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. De lutter contre les ennemis de l'islam, de préserver les terres des musulmans et les habitations ou les endroits où les musulmans vivent. Baydat al-Muslimin. Al-Baydat, c'est un œuf, hein. Et c'est comme si les musulmans sont dans un sorte de coquille, hein, protégée, hein, et qu'il y a des ennemis à l'extérieur qui. Je voudrais essayer, par exemple, de les attaquer ou de casser cette coquille. Et le dirigeant, son rôle, c'est de préserver cette coquille-là pour protéger justement contre les ennemis qui veulent faire du tort aux musulmans. Ça, c'est un des rôles du dirigeant. Daf'u man arad bimakrin. Il faut également repousser ceux qui veulent faire des ruses contre les musulmans, prendre l'injuste par la main, pour le faire cesser son injustice et de redonner à l'opprimé son droit. Donc quand il y a de l'injustice, le rôle du dirigeant c'est d'établir la justice. Hein, celui qui a été opprimé, il faut le défendre, il faut lui redonner son droit, et celui qui a fait l'injustice, eh bien il faut qu'on le prenne par la main puis qu'on le fasse cesser de faire l'injustice et qu'on le punisse s'il mérite d'être puni. Également, il faut sécuriser les routes, dans le sens que s'il y a des routes qui ne sont pas sécuritaires ou des rues qui ne sont pas sécuritaires à cause des criminels, à cause des bandits, à cause des choses comme ça, il faut sécuriser les routes. Et un des devoirs du dirigeant, c'est de faire ça, d'établir la sécurité dans le pays. Et ça, c'est en appliquant, bien entendu, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhdh al-huquq al-wajiba ala maqtadahu al-shar. Et de reprendre les droits et les obligations qui sont obligatoires selon la charia, et de les remettre à l'endroit que la charia a déterminé, où on doit poser ou remettre ces droits-là. Donc, le cheikh, il dit que celui que les musulmans ont choisi hein, pour dirigeant, c'est-à-dire celui à qui on a donné la bay'a, et qui a établi tout ça, et qui a rempli qui a pris en charge la responsabilité du dirigeant, si on rajoute à tout ce qu'il fait comme responsabilité, tout ce qu'il a comme responsabilité et tout ce qu'il a comme qualité, si on rajoute à ça le fait qu'il est un imam dans la science et qu'il a atteint le niveau d'un mujtahid absolu dans les questions de religion, alors il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est mieux que quelqu'un qui n'a pas atteint ce degré de d'ijtihad. Donc, c'est-à-dire que si tu es capable d'avoir un dirigeant qui a tout, qui remplit ces tâches-là, puis en plus il est mujtahid dans la science islamique, et il a du ilm dans l'islam, puis qu'il peut faire l'ijtihad, ça c'est quelque chose de mieux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pourquoi? Mais il dit par contre, il n'y a pas de preuves pour dire que si quelqu'un n'a pas le niveau d'ijtihad, il ne peut pas prendre en charge la position de dirigeant. Il n'y a pas de preuves dans l'islam pour ça. Contrairement à certaines personnes parmi les groupes de bid'a, comme les Shia Rafida ou d'autres, qui disent que pour que quelqu'un soit un dirigeant, il faut qu'il ait atteint le niveau d'ijtihad, ou il faut qu'il soit un grand savant de l'islam, ou il faut qu'il connaisse la charia, ou il faut qu'il soit parfait, et ils disent que sinon il ne peut pas être un dirigeant. Ça c'est une condition au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve de la charia là-dessus. Donc le cheikh dit, même si un dirigeant n'a pas atteint ce niveau de perfection-là, dans la religion et dans la science, eh bien dans ce cas-là, c'est pas une condition, hein, et c'est pas obligatoire qu'il ait atteint ce niveau-là. Et qu'il a atteint cet extrême ou cette limite dans la science. Il dit, on ne discute pas ici sur la question de est-ce que quelqu'un est-ce qu'on ne doit pas choisir le c'est-à-dire il dit laisse un nizar au fil akmal. Il dit, on ne veut pas discuter ou on n'est pas en train de débattre sur la question de la perfection et qu'est-ce qui est le meilleur. On veut juste expliquer qui est apte à être dirigeant et qui est apte à prendre ce poste-là ou cette position-là. Donc celui qui a respecté les exemples et les conditions qu'on a mentionnées, alors celui-là, il peut être le dirigeant, et c'est ça le but de l'imam, comme on l'a expliqué. Et donc ça c'est mentionné dans les paroles de l'imam Shoukani. Après il dit, huitièmement, « Yakuna salim al-a'da, ghair Zamin, Rer Zamin, voilà Ama. Il dit que, il a mentionné comme exemple qu'il faut qu'il soit avec tous ses membres. Il ne faut pas qu'il soit handicapé ou quelque chose comme ça. Et il ne faut pas qu'il soit aveugle. Et le Cheikh, il dit aussi Zamin. Et Zamin, yani c'est celui qui est affecté par une maladie chronique, ou bien par une maladie qui est reliée, ou bien par la vieillesse aussi. Hein? Donc Zamin, il ne faut pas qu'il soit aveugle ou Zamin. Hein? Je vais expliquer. Donc le Cheikh, il mentionne des explications de ça. Il dit, « قال الشوكاني, أما سلامة الأطراف فلا وجه لاشتراطها فإن الأعرج والأشل لا ينقض من تدبيره شيء ويقوم بما يقوم به من ليس كذلك. ومعلوم أنه لا يراد من مثل الإمام السابق على الأقدام ولا ضرب السلجان ولا حمل الأثقال. Donc ici le chef il mentionne les paroles de l'imam al-Shawkani dans Sayl al-Jarrah et il clarifie cette condition là. Il dit que, comme on a dit tout à l'heure, que une condition c'est qu'il soit avec tous ses membres. Sauf qu'il dit ça, c'est choquant. Même choquant, il dit c'est pas une condition qu'il soit avec tous ses membres comme il faut, parce que il y a des exemples de hadith qui mentionnent justement que certains, même si un dirigeant est sans il lui manque les extrémités de son corps, même s'il n'a pas toutes les parties de son corps, c'est pas grave, il peut quand même être dirigeant. Même s'il est handicapé ou quelque chose comme ça. Parce que le but c'est qu'il est capable de remplir ses tâches en tant que dirigeant. Voilà, il y a un coup de min tadbirihi shay. Yaqumu bima yaqumu bihi man laysa kadhalik. Hein, il est capable de faire tout ce que quelqu'un d'autre comme lui est capable de faire dans les questions d'organisation, ainsi de suite. Mais toutefois, si comme le Cheikh Moukbil le dit en bas de page, il dit si ça affecte sa raison et sa façon d'organiser la politique, ainsi de suite, dans ce cas-là, s'il n'est pas apte à ça, dans ce cas-là, bien entendu, il ne peut pas prendre en charge les questions de l'État. Parce que du moment que sa raison est affectée, il ne peut plus être en charge de, des affaires d'État. Après, il dit comme neuvième point, « يَكُونَ ذَا خِبْرَةٍ وَرَأْيٍ حَصِيفٍ بِأَمْرِ الْحَرْبِ وَتَدْبِيرِ الْجُيُوشِ وَسَدِّ الثُّغُورِ وَحِمَايَةِ بَيْضَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْانْتِقَامِ مِنَ الظَّالِمِ » Il dit, il faut que le dirigeant soit avec une expérience et qu'il ait une opinion qui est basée sur l'expérience par rapport à la guerre, par rapport à comment organiser les armées, comment défendre et bloquer les frontières, ainsi de suite, défendre les frontières et tout ça, protéger les terres de l'islam, ainsi de suite, et se venger des injustes. Ensuite, il dit, comme dixième point, « أن يكون ممن لا تلحقه رأسه في إقامة الحدود ولا فازع من ضرب الرقاب ولا قطع الأعضاء ولا قطع الأعضاء. » Il dit, il mentionne une autre condition aussi, c'est qu'il faut qu'ils soient parmi ceux qui n'ont pas, qui ne vont pas être pris de pitié par rapport au, à l'établissement des punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment d'appliquer la punition, il ne faut pas faire preuve de pitié ou de faiblesse, yani, ou des choses comme ça, de ce genre. Yani, c'est-à-dire, il faut appliquer la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala avec fermeté dans ce moment-là, et il ne faut pas qu'il soit aussi parmi ceux qui ont peur de couper les têtes ou bien de couper les membres, hein, parce qu'il y a des gens là, si tu les mets dans cette position-là, qu'ils doivent appliquer les lois d'Allah, puis qu'ils doivent couper la tête à quelqu'un parce que la personne a commis un crime et que ce crime-là a comme punition le fait qu'il doit être par exemple décapité ou bien on doit lui couper un membre comme sa main, par exemple, s'il a volé ou des choses comme ça, ben, il y a des gens qui sont, comme on dit là, des gens un peu frileux, comme ils ont peur, eux, ils ne pourront pas appliquer ces règles-là. Et donc, préférablement, le dirigeant doit être apte à faire ça. Parce qu'en principe, c'est le dirigeant qui doit faire ça. Et ou bien sinon, c'est ses représentants. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, ce n'est pas le dirigeant qui le fait, c'est quelqu'un qui est désigné par le dirigeant, et lorsque c'est le temps de l'appliquer, ben, il va venir et puis il va couper les têtes. Hein. C'est pas comme les bourreaux là, en Europe, là, ceux qui mettent un masque sur leur tête, et puis qui... Non. Et moi, quand je me souviens, j'ai vu, quand il y avait eu une exécution en Arabie Saoudite, j'ai assisté, parce que c'est devant la mosquée qu'ils le font, et puis... ouais, devant la mosquée, dehors, sur une grande place publique, et puis la personne qui a coupé la tête, il n'est pas avec une cagoule, rien, il montre son visage sans problème. Hein. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un bon coup derrière la nuque, là, parce que la personne a la tête penchée par en avant, et les mains dans le dos, okay, puis il a les yeux bandés. Et puis il donne un bon coup d'épée là comme ça, un bon coup sec. Et puis, ah oui, c'est un homme costaud, hein. Un grand noir là, un Nigérien là, c'est costaud là. Et puis il donne un bon coup là avec son épée. Et puis la tête, elle fait comme ça. Elle se détache pas nécessairement complètement du corps, mais des fois ça arrive que oui. Hein. Et la fois où j'étais là-bas, c'était pas le cas, ça s'est pas détaché. Sauf que tu vois le jet de sang qui sort du cou là, tout de suite. Hein? Je vous épargne les détails. Il le faisait lui aussi par la suite, ouais, c'est ça. Donc c'est ça, c'est sûr que c'est pas facile, mais ça fait partie de la justice que Allah nous a ordonné d'établir. Et donc, alhamdoulillah. Et comme je disais, ça c'est bien entendu, c'est pas comme les Khawarij dans certains pays là, ils décident que eux ils sont les dirigeants responsables, ils attrapent des gens dans la rue, là, toi t'es un apostat ou quoi, on va te couper la tête, ou ils kidnappent des journalistes ou des gens comme ça, puis après ils se font filmer, puis ils coupent la tête des gens, puis ils mettent ça sur internet, et puis ils disent ça c'est la loi d'Allah. Ça c'est pas la loi d'Allah, qu'est-ce qu'ils appliquent ces gens-là? Ça, ils n'ont aucune autorité pour faire ça et aucun droit de faire ça. Ce n'est pas eux qui doivent décider quand est-ce qu'ils font ça. Hein? Et en plus, des innocents qui n'ont même pas été jugés. Hein? Et non seulement ça aussi, c'est que Mais c'est pas comme ça. En tout cas, il y a un cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, j'avais expliqué ça dans un cours même de ce cours-là, dans ce livre-là. J'avais expliqué déjà qu'avant qu'on fasse une exécution en Arabie Saoudite de quelqu'un parce qu'il a fait un crime, il faut qu'il y ait 12 juges qui ont signé. Et ça passe par 12 personnes avant. Et le dernier, c'est le roi qui signe en dernier. Donc, c'est pas comme si le juge dit « Ok, t'es coupable » et puis on coupe la tête. Non, il faut que ça passe par des comités de comment on dit, des gens qui vont revérifier le cas et le dossier et tout ça. Et ça passe par 13 signatures avant d'arriver au roi, puis par la suite. Là, quand le roi donne son accord, là, la punition est appliquée, le qissas va être appliqué. Et quand il y a un qissas, c'est mentionné à la radio, tout le monde l'entend. Il va avoir un qissas aujourd'hui, telle chose et tout. Et une fois même, comme j'avais expliqué, une fois quand j'étais en Arabie Saoudite, il y avait eu les gars qui avaient fait la bombe à Khobar. Il y avait des Khawarij qui ont mis une bombe à Khobar pour essayer de faire un attentat et tout. Ils les ont attrapés, puis ils les ont punis. Et il y en a un parmi les frères, parce qu'il y a toujours des gens dans l'université, ils sont des étudiants, mais il y en a beaucoup qui ont des shubuhat, et il y en a même parfois, c'est des hizbiyin, des gens de Bida'a, des taksirin, mais ils se cachent. Et puis, chaque fois qu'il se passe quelque chose, ils font juste des commentaires entre eux pour envoyer des flèches là, et comme des shubuhat. Alors, quand ils ont... Puis, quand ils ont exécuté les quatre qui ont fait l'attentat, ils ont dit comment ça se fait qu'ils tuent des musulmans pour avoir tué des kuffars. Dans la charia, on ne doit pas tuer un kafir pour un musulman. C'est-à-dire, on ne doit pas tuer un musulman, pardon, pour un kafir. Et alhamdulillah, il y a un cheikh qui a répondu. Il a dit, si tu as bien écouté à la radio quand ils ont annoncé la peine de l'exécution de ces quatre, ils n'ont pas mentionné le verset de Qisas. Parce qu'ils mentionnent le verset pour quelles raisons ils vont l'exécuter. Comme par exemple, quand c'est le Qisas, ils vont dire « Walakum fil Qisas hayat » Ya ulil albab. Il y a une vie pour vous dans le talion, la loi du talion. Mais dans cet événement-là, ils ont mentionné حتى الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الشيخ الزي le verset qu'ils ont mentionné lorsque ils ont exécuté ces quatre, c'était pas la punition pour avoir fait pour une qisas, mais c'était pour avoir fait le désordre sur la terre, le fasad fil ard, et donc il méritait l'exécution, parce qu'il y a des degrés dans ça. Un yuqattalu, le premier degré, c'est comme s'ils ont tué des gens, ils doivent être tués. Ou yusallabu, ou tuqatta'a aydihim, ou bien ils doivent être crucifiés, ou bien on doit couper leurs pieds et leurs mains à extrémité. Par exemple, un pied d'un côté, puis la main de l'autre côté. Ou bien exilés de leur terre. Donc ça, c'est des exemples de punition pour ce genre de crime-là. Selon le degré de crime qu'ils ont fait, ils auront le degré de punition qui entre en ligne de compte avec le crime qu'ils ont fait. Et donc, c'est pour dire que des fois, des gens qui sont des ignorants, ils font des critiques, des jugements qui sont appliqués par les juges et par les dirigeants, alors qu'ils ne connaissent même pas les détails et les principes de la charia, et ils critiquent comme ça, des commentaires, ils se pensent plus intelligents que les ulama de l'islam. Donc ça, c'est grave quand des jeunes étudiants là commencent à juger les ulama et commence à leur dire « Oh, vous appliquez pas bien la charia » ou ainsi de suite. Après, le chef, il dit « أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا تَلْحَقُهُ رَأْفَةٌ » Ok, ça, on l'a lu, ce point-là. « Ensuite, il dit « وَقُلْتُ وَهَذَا يُمْكِنُ الْإِجَابَ عَنِ السُّؤَالِ قُلْتُ هُنَا يُمْكِنُ الْإِجَابَ عَنِ السُّؤَالِ الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ هَلْ تُرَاعَ فِي النِّظَامِ الْإِنْتِخَابِ الشُّرُوطِ الْوَاجِبِ تَوَفُّرُهَا فِي الْخَلِيفَةِ وَالْحَاكِمَ الْمُبَايَعَ والحاكم المبايع له الجواب لشيخ الزي فنقول إن النظام الانتخابي يقوم على الأكثرية الغوغائية في اختيار حاكمها فالشعب بما فيه الغص والسمين يقوم باختيار مجلس النواب الذي يمثل في هذا النظام أهل الحل والعقد الذي بدوره يختار الحاكم فماذا ننتظر من شعب مليء بالأفكار المنحرفة من بعثية وناصرية واشتراكية ورافضية وإخوانية وإلى آخره تلكم الأفكار التي بعضها تخالف الإسلام جملة وتفصيلة أن يرشح لنا مجلسا يختار لنا حاكما عدلا قد اشتهر بذلك أم على العكس من ذلك وكل إناء بما فيه ينضح. Donc le cheikh il dit que est-ce on peut répondre maintenant à la question qu'on a posée au début. Est-ce que dans le système démocratique on prend en considération les questions, les conditions qui sont obligatoires qui doivent être présentes dans la personne qui va être le khalifa ou le dirigeant à qui on donne la bay'a. Est-ce que le système démocratique respecte ces conditions-là? Il dit, c'est clair que le système démocratique est basé sur la majorité et sur la démagogie. C'est-à-dire, les gens ils vont voter selon le fait que le dirigeant leur dit ce qu'ils veulent entendre. Et donc, ils vont choisir, le dirigeant va être choisi par le peuple, et le peuple est composé de bons et de mauvais individus. Et donc, parmi eux, il y a toutes sortes. Et donc, ils vont choisir les députés, qui sont soi-disant ceux qui vont représenter, selon les démocrates, Ahl-Hilli wal-Aqd, alors que bien entendu, on sait bien entendu que ces gens qui font eux-mêmes partie des députés ne respectent pas les conditions qui sont nécessaires pour faire partie de Ahl-Hilli wal-Aqd. Mais il dit Wallahi bidawrihi yukhtar ou yakhtar al-Hakim. Donc par la suite, les députés vont choisir les dirigeants. Il dit mais qu'est-ce que vous espérez d'un peuple qui est rempli d'idées, toutes déviées parmi le peuple, il y a des gens qui pensent ou qui ont des idées de différentes idéologies des koufars, ou même parfois de différentes sectes parmi les groupes des musulmans, comme le groupe politique ou le parti politique des Ba'athiyya, ou bien des Nasiriyya, Nasiriyya Jamal Abdel Nasser, Ba'athiyya, le parti de Saddam Hussein, et en Syrie aussi, c'est un parti Ba'ath, c'est socialiste. Ou bien le parti des Rafida, ou bien le parti des Ikhwan, ainsi de suite. Donc toutes ces idées-là, parfois, parmi ces partis-là, il y en a qui sont en opposition totale avec l'islam. Est-ce que donc on va choisir comme dirigeant parmi les gens qui font partie de ce majlis, des gens qui sont justes ou qui respectent les conditions qu'on a mentionnées tout à l'heure, ou bien on va trouver ou on va tomber sur un dirigeant autre que ça. Et donc, c'est pour dire, c'est bien entendu que dans un système pareil, on ne peut pas tomber sur un dirigeant qui va respecter les conditions de l'islam. Et depuis que quelqu'un dit au sujet de quelqu'un, au sujet d'un dirigeant qu'il doit avoir le plus grand nombre de votes, ça veut dire qu'il va devoir appliquer une certaine politique de faire plaisir à tout le monde. On va juste faire la clôture, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.